Le matin. Promenade près du fleuve Mississippi. Prendre à droite, rue Decatur. Direction le marché français pour acheter des souvenirs. Le marché se trouve entre la rue Decatur et le fleuve Mississippi. Tournez à droite dans l'avenue Ursuline et encore à droite dans la rue Royale pour découvrir les galeries d'art. À midi, rendez-vous au Louisiana Bistro. Prendre la rue Saint-Philippe et tourner à gauche dans la rue Dauphine. Continuez tout droit. Le restaurant est à côté du musée Conti. L'après-midi. Visite des musées Cabildo et Presbytère dans la rue Chartres. Derrière le Cabildo, il y a la cathédrale Saint-Louis. Le soir. Musique au club de jazz La Maison Bourbon, rue Bourbon, près des musées.